Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la vie et la mort tragique de Marvin Gaye. Marvin Gaye Sr. armed himself with a handgun and fired several shots, wounding Marvin Gaye Jr. La scène est surréaliste. La police qui confirme que Marvin Gaye père a tué le prince de la soul, Marvin Gaye fils, le 1er avril 1984, dans la maison familiale de Los Angeles. L'arme qui a servi au meurtre avait été offerte par le fils à son père quelques mois auparavant à l'occasion de Noël. La vie et le destin de Marvin Gaye n'auront jamais été faciles. On peut probablement parler de sa fin tragique comme de la chronique d'une mort annoncée. Le roi de la musique soul, Marvin Gaye, a été abattu hier à Los Angeles au cours de ce qui semble être une dispute familiale. Marvin Gaye, qui avait reçu l'an dernier 2 prix Grammy pour sa chanson « Sexual Healings », aurait eu 45 ans aujourd'hui. Pendant 20 ans, le chanteur américain a créé de nombreuses pièces musicales considérées comme des classiques de la musique soul. Après avoir disparu de la scène pendant quelques années, il effectuait un brillant retour au début des années 80 avec des chansons dont le contenu sexuel provoqua une vive controverse aux États-Unis. Les autorités policières de Los Angeles détiennent son père, soupçonné d'être à l'origine du crime. C'est la commotion dans le monde de la musique quand sort cette nouvelle de la mort tragique de Marvin Gaye en avril 1984. Pour revivre les grands moments du difficile parcours de Marvin Gaye, j'accueille Marie-Christine Blais, passionnée de musique. Marie-Christine, c'est terrible cette histoire-là. Qu'est-ce qui se passe d'abord le 1er avril 1984? Ce qu'on sait, c'est que Marvin Gaye, qui avait effectivement renoué avec le succès après des années très difficiles, agresse son père ou le pousse. Enfin, ils ont vraiment une dispute assez sévère. La mère et le père de Marvin Gaye sont constamment en train de se disputer aussi depuis les débuts de ce couple des années auparavant. Et c'est la défonce dans la maison. Ah, ça, le père est à la vodka à l'étage. Marvin est à la cocaïne au sous-sol. C'est un cocktail Molotov vivant cette maison. Et il va arriver, donc, on ne sait pas encore s'il avait poussé ou s'il a sauté sur son père, mais chose certaine, il attaque son père. Et pour son père, qui est un être tyrannique, je pense qu'on peut le dire, un père violent, c'est la limite, on ne touche pas à papa. C'est un crime de lèse-majesté et ce crime mérite la mort. Donc il tire, il va chercher le pistolet que son fils lui a offert. Bang, et il tire bang, trois bang. Fois. Et les proches de Marvin Gaye à l'époque disent, et le diront aussi plus tard, Marvin Gaye était suicidaire aussi à ce moment-là, comme il a été à intervalles réguliers dans sa vie. Il a peut-être cherché de cette manière-là à se faire suicider. Ouais. Par l'homme qui l'avait sans doute poussé aussi à un comportement aussi excessif, celui qui l'a eu toute sa vie. Et il faut dire que c'est l'enfer toute la vie de Marvin Gaye. D'abord, la relation père-fils, elle est infernale. L'enfance de Marvin Gaye et de ses frères et sœurs, c'est vraiment très, très difficile. C'est très difficile. Le père de Marvin Gaye a eu une enfance très difficile, semble-t-il. Il est le seul d'une famille de 13 ans qui réussit sa vie en devenant pasteur dans une église pentecôtiste qui s'appelait House of God, qui existe toujours d'ailleurs. Il devient donc un preacher assez charismatique qui, par ailleurs, à la maison, tyrannise sa famille. Les enfants n'ont pas le droit de faire du sport. Ils n'ont pas le droit d'aller jouer avec d'autres enfants. Ils sont confinés à la maison. S'ils ne sont pas à la maison, ils sont à l'église où ils apprennent à chanter. Dieu merci, de magnifiques chants gospel. Et le père, en même temps, a son propre lot de contradictions. Il a des histoires adultères. Il s'habille en femme à intervalles, semble-t-il, réguliers. Il consomme beaucoup de choses. Le petit Marvin Jr. va constamment se confronter à son père. Et il va naître de là une relation vraiment toxique, malsaine. Quand Marvin, le petit Marvin à 17 ans, décide d'aller, par exemple, dans l'armée, où là, une fois de plus, il est confronté à l'autorité, ça va pas très, très bien se passer. How Sweet It Is. 1964, Mary Christine Bless, c'est probablement le premier grand succès de Marvin Gaye. Oui. Comment ça commence pour lui, cette aventure musicale? Bon, comme justement, ça va pas dans l'armée, il commence à faire du chant, du doo-wop. Il y a un des musiciens du groupe dont il fait partie qui l'amène à Motown. Motown, c'est une étiquette de disque qui va devenir déterminante non seulement pour les artistes noirs américains, mais pour la musique américaine et la musique tout court. Right. Motown est une, donc cette étiquette de disque qui est fondée par Berry Gordy. Monsieur à Détroit. Dans une ville où, d'auto, une ville d'industrie où les Noirs sont souvent la main-d'œuvre pas très bien payée. Et il a une façon de produire qui est très particulière. Faut que ça vende, faut que ça marche. Et en même temps, il y a une grande fraternité qui règne au sein de cette étiquette parce que tous ces gens qui travaillent là ont été en proie souvent à des milieux difficiles, familiales ou de travail très difficiles. Et là, ils ont enfin la possibilité de chanter. Alors, Marvin, très vite, parce qu'il est capable d'être un très, très bon batteur, à la batterie, il est excellent, il est capable de faire de la composition, d'écrire des paroles, il a même un petit côté chanteur jazz, il se met... Et puis, c'est un beau bonhomme. Mm-hmm. Et puis, il a du sexe pile. Alors, tout ça fait qu'il commence donc à enregistrer des chansons comme How Sweet It Is, qui marchent très, très bien. Et c'est vrai que c'est agréable de l'écouter. Mais c'est pas tout à fait ça qu'il veut faire, lui, dans la vie. Ouais. Et il va, parce que tout au long de sa carrière, de fait, il y a deux choses qui sont étonnantes, mais tout le temps là. Ses chansons sont le reflet de sa vie. Exact. Et d'un disque à l'autre, sa vie change et évolue. Sa musique va changer et évoluer. Puis effectivement, il va avoir le goût, à un moment donné, il va avoir envie de faire de la musique en duo. Il va chanter avec Diana Ross, mais aussi avec Tammy Terrell, qu'on entend dans cette chanson « Ain't No Mountain High Enough ». Alors, c'est merveilleux, Marie-Christine. On est déjà dans le plaisir. À quoi correspond cette période importante pour lui? Oui. La période où il va chanter Marvin Gaye avec Tammy Terrell. Ben, l'idée des duos, des trios, des quatuors, c'est très, très fort chez Motown. Alors, donc, il va y avoir plusieurs de ces duos. Tammy Terrell est une jeune femme avec cette voix extraordinaire que vous entendez. Et Marvin et Tammy vont vraiment développer une amitié. Ils deviennent frères et sœurs spirituels. Ça n'a jamais été un couple. C'est des gens qui, tout d'un coup, se retrouvent dans la chanson. Ils vont faire plusieurs chansons à succès ensemble. Ils vont faire des tournées. Et il arrive cette chose effroyable, alors que Tammy Terrell est une toute jeune femme. En début, ça fait peut-être 2 ans, même pas qu'ils chantent ensemble. Un soir, en spectacle, elle s'écroule sur la scène et elle est donc diagnostiquée, elle a une tumeur au cerveau. Ouais. Et elle va donc mourir peu de temps après. Elle tombe en octobre 67 et en 70, elle va mourir à l'âge de 24 ans. Marvin Gaye va vraiment le vivre très durement. Dépression. Complète. Et en fait, pendant 4 ans, il ne remontera pas sur scène. Sans Tammy, il ne remonte pas sur scène. C'est, pour lui, ça n'a plus de sens. Ça ne l'empêche pas de travailler en studio. Et de reprendre une chanson qui va devenir la chanson signature de Motown, I Heard It Through the Grapevine. Our next star is one of the hottest singers in the country today. And they tell me he has the Motown sound. I'm not sure exactly what the Motown sound is, but when Mo gets back to town, I'm gonna find out. And here he is, the man whose song, Grapevine, sold 2 million records, Marvin Gaye. By surprise, I'm a slave when I found my I Heard It Through the Grapevine, c'est un immense succès, Marie-Christine Blais. La chanson Motown la plus vendue. Mm-hmm. L'animateur Jimmy Durante, qu'on entendait, blaguait dans sa présentation de Marvin Gaye sur ce qu'était la musique Motown. Je vous pose la question, vous avez parlé d'étiquette il y a quelques minutes, mais le son Motown, vous pourriez me dire, c'est ce qu'on vient d'entendre. Mais c'est de la soul. C'est de la soul. C'est du rhythm and blues. C'est l'utilisation de chœurs féminins et d'harmonie vocale derrière un chanteur masculin. Et vice-versa. Il y a aussi un visuel Motown. Ils sont habillés d'une certaine... C'est vrai, une gestuelle. Il y a des petites chorégraphies. C'est toujours, encore aujourd'hui, des années plus tard, un vrai plaisir de les regarder danser parce que... et chanter. Parce qu'il y a, quelque chose d'infiniment... joyeux, ouais. Même la pire chanson et c'est triste. C'est contagieux, en c'est fait. Contagieux. C'est impossible de pas commencer à se déhancher un peu. Oui, et puis ils sont tous jeunes et ils ont tout d'un coup l'impression qu'il est possible d'être noir et américain et avoir du succès. Ouais. Pour son talent. Ouais. C'est pas rien. Donc ça, c'est la grande chanson Motown. Qui est reprise depuis, dans des bandes-annonces, dans des films. Cette chanson-là, on l'entend tout le temps. Là. I Heard Through the Grapevine, encore aujourd'hui. C'est la chanson que tout le monde chante quand tu veux dire Motown. Mais en 71, virage complet. À 180 degrés de Marvin Gaye, qui va lancer un album concept. Des chansons à contenu social, très critique de la guerre du Vietnam, entre autres. C'est l'album What's Going On. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Picket lines and picket signs. Don't punish me, sister, with brutality, sister. Talk to me, sister, so you can see, sister. Oh, what's going on? Ce disque-là, What's Going On, Marie-Christine Blais, encore aujourd'hui, c'est vraiment considéré comme l'un des grands disques de l'histoire de la musique aux États-Unis. Oui, et c'est un des tout premiers disques concept. Même à l'époque, il n'y en a pas 100 000. Là. C'est cette idée de faire tout un disque sur le thème de la guerre et de la paix, de la réconciliation, de la rédemption par le pardon, de se parler, de communiquer. En plus, sur ces thèmes-là, à l'époque, certes, c'est dans l'air. Il y a eu la guerre du Vietnam qui a toujours lieu. Il y a eu la fusillade sur le campus de l'Université de Kent où il y a eu des étudiants qui ont été tués. Ouais. Il y a eu la mort de Martin Luther King peu de temps auparavant. La lutte pour les droits civiques, tout ça crée ce disque. En parallèle, parce que là, on n'en reparle pas, mais la situation entre Marvin et son père ne s'améliore pas. Mm-hmm. Et ce disque-là aura été, en tout cas, un disque qui a marqué certainement pour Marvin Gaye un grand moment dans sa vie. Le 1er mai 72, Marvin Gaye va aller interpréter donc des chansons de son disque à Washington, sa ville natale. Il est reçu d'ailleurs, on déclare que c'est la Marvin Gaye Day ce jour-là. Et pour la première fois de sa vie, son père le voit en spectacle, en 72. On est ailleurs. Marie-Christine, on sent la sensualité pour rester poli. Ce disque-là, on le disait, c'est collé. Tous ces disques sont collés sur sa vie. C'est le disque de la rencontre de Marvin Gaye avec la jeune Janice Hunter. Voilà. J'espère que vous avez apprécié l'humour. On passe de What's Going On à Let's Get It On. C'est vraiment une manière de dire on passe à autre chose. Cette lutte entre le profane et le sacré, de toute façon, elle est toujours en lui, en Marvin Gaye. Donc, il rencontre effectivement une jeune femme qui va comment dire, réveiller en lui ses instincts et ses pulsions les plus charnelles. Malheureusement, ça va se doubler aussi avec la cocaïne, ouais, l'héroïne, tous les excès imaginables. Donc, ce disque-là, qui est très, très sensuel, c'est vrai, marque aussi, pour Marvin Gaye, le début d'une nouvelle fin, si je peux dire. Il va divorcer avec sa première femme, il va avoir des tas de tracas contractuels, des problèmes fiscaux comme on en souhaite absolument à personne, pas même son pire ennemi. Bref, tant et si bien qu'il va devoir s'exiler pour pouvoir vivre, en fait, tout simplement. Il va donc partir d'abord à Hawaï, où il vit dans une roulotte. Ça, ah bon? Tu sais, ça va vraiment pas bien. Ouais. Le loyer n'est pas élevé. Et puis après, il va aller en Europe. Il va notamment en Angleterre, où il va entendre du reggae, qui, à l'époque, est vraiment une musique qu'on n'a pas entendue souvent. Ouais. Et puis, peu à peu, donc, il continue. Il fait un peu de spectacle, mais pas grand-chose. Et il arrive en Belgique, à Ostende, notamment. Et vous savez quoi? On a, justement, un extrait d'entrevue au moment où il est à Ostende, parce qu'il va trouver... il a besoin de calme. Ah, tout il à va fait. Trouver ce calme-là à Ostende, en Belgique. On écoute un petit extrait d'une entrevue qu'il accorde à la RTBF en 1981. That's a bit of a long story, but I'm in Belgium because it's... It's a nice place for me to work right now. It's quiet in Ostende. Oui, ben, il est en train de préparer un disque qui dit que espérons sortirait en septembre ou octobre. Ces choses-là ont tendance à traîner un peu plus longtemps qu'on espère normalement, mais c'est qu'il a exprimé le fait que pour lui, en vivant dans les climats tropicaux pendant 14 ans, le changement lui plaît très bien. Mais je ne sais pas s'il a l'intention de passer le reste de sa vie ici non plus. Nobody's asked me yet, but we've got some offers, we're accepting them yet. Et le disque que prépare Marvin Gaye en Belgique, on l'entend, Marie-Christine, le disque c'est Midnight Love, mais qui va sortir en 82, mais c'est surtout ce grand succès qu'on entendait, Sexual Healing. C'est le grand retour de Marvin Gaye. C'est le grand retour de Marvin Gaye, c'est encore aujourd'hui une chanson que beaucoup de gens utilisent, j'ai un ami qui l'a même simplement programmé sur son cadran, il se réveille sur Sexual Healing le matin. Bravo pour sa blonde. Est-ce que ça nous réveille vraiment? Ça, c'est l'autre question. Je ne sais pas, mais chose certaine, il renoue effectivement avec le succès et avec la jalousie de la part de son père. Et avec de la violence et avec la drogue. Il va remonter sur scène, ça va bien quelques semaines et puis bang, ça retombe, ça va de moins en moins bien. Tant et si bien qu'il finit donc par se réfugier chez ses parents à Los Angeles. Et il y aura ce drame dont on parlait au tout début, mais avant, quand même, un peu de lumière. Écoutez, parce que quand on sait ce qui suit, ça donne froid dans le dos. Il va remporter, puis écoutez les paroles qu'il va prononcer. Il va remporter le Grammy de la meilleure chanson Rhythm and Blues de l'année en 1983. This year's Grammy Award goes to... The only thing that I like, Sexual Healing by Marvin Gaye. Thank you very kindly, ladies and gentlemen. I am not very much for speeches. I've waited a very long time, 20-some years, to win an award such as this. Thank you, ladies and gentlemen. My family, my mom, I love everybody. Thank God. We love you. Stay with us. We're going to try to give you more. God love you. C'est émouvant, Marie-Christine Marvin Gaye qui dit avoir attendu 27 ans cette récompense, qui parle de Dieu, qui parle de sa famille, qui remercie sa mère, qui dit on va essayer de vous en donner plus. Mais non, parce que ce sera effectivement la descente aux enfers. Voilà, ça ira pas très très bien après ça. Il va donc y avoir ce moment terrible de l'assassinat. Le père... Parce qu'il perd les pédales. Il y a ce grand succès-là, c'est le retour à la cocaïne, c'est le retour à la maison familiale. La célébrité, c'est très difficile à vivre et la confrontation avec une réalité qui existe tout le long de la vie de Marvin Gaye, à savoir le rapport extrêmement violent qu'il a avec son père, tout ça met en place une espèce de dynamique qui va finir en dynamite. Je pense à Michael Jackson. Exactement. C'est des rapports familiaux qui, couplés, jumelés avec ce que la célébrité peut faire à la psyché, et ça peut être très lourd, ouais, donnent toujours des résultats assez désastreux. Ou enfin, des déviances, des comportements inacceptables, des moments où tu te dis, mais ils font du beau. Ouais. Comment est-ce qu'ils peuvent vivre aussi mal, je ne sais trop. Une vie misérable. Une vie misérable. Donne une production musicale. Exactement. Si gigantesque. Je me rappelle d'un commentateur qui avait dit, si vous voulez protester contre la guerre, faire l'amour ou parler de spiritualité, il y a une chanson de Marvin Gaye pour vous. Et je trouve que c'est la belle chose à dire de Marvin Gaye, c'est que pour toute une série d'activités humaines fort agréables ou de prises de parole, il y a une chanson de Marvin Gaye encore aujourd'hui. Marie-Christine, au total, qu'est-ce qu'on retient de lui? Vie tourmentée, mort tragique, production musicale. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore réalisé, c'était un peu mon cas, je m'en confesse. En faisant cette émission, on se rend compte du géant qu'il était, oui, musicalement. Un génie, je pense qu'on peut le dire. On retient quoi de cette vie, de ce destin tragique, de cette œuvre extraordinaire? On retient l'œuvre. C'est ce qui reste. C'est ce qui nous permet à nous de profiter de ce qu'il avait de meilleur. À savoir ses dons incroyables d'écriture, de composition, d'arrangement et d'interprétation. Et puis aussi quand même un homme qui est allé au front, en guerre contre lui-même, en guerre contre son père, et qui a réussi à en tirer de la beauté auquel on peut nous se raccrocher quand ça va pas très très bien. C'est toujours fascinant quand même que de la souffrance naisse toujours la beauté. Marie-Christine Blais, amie de l'émission, grande amateur de musique, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Jacques. Merci, Marie-Christine. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.